Buenos días. Buenos días. Ah, ¿qué pasa? ¿Y dónde le vamos? Good morning. Pardonnez-le par minuit. Ah, voilà. Directly from Ontario. L'église de Longueuil s'est réunie dans leurs locaux ce matin. On a une pensée pour eux. Ils ont des invités qui, à travers un brunch, ils vont pouvoir discuter, échanger sur des sujets qui les tiennent à cœur. Alors, c'est pourquoi on est à personnel réduit ce matin. Mais les meilleurs sont là. On leur dira pas, là, en espérant qu'ils n'écoutent pas l'enregistrement. Tu n'as pas commencé à enregistrer, hein? Ah, c'est chier, ça. Ah, je vais me faire crucifier. Bien. C'est la crème de la crème. Ah, Rémi, mais pas trop. Savez-vous ce qui va vous arriver dans l'avenir? Savez-vous ce qui va vous arriver dans un an? Ou même dans quelques jours? S'il vous était donné de le savoir, ce qui va vous arriver dans quelques jours, et que ce qui va vous arriver est pénible, je dirais difficile à accepter, comment réagiriez-vous aujourd'hui? Quelles seraient les décisions que vous prendriez aujourd'hui en fonction de ce qui s'en vient dans quelques jours? Le diriez-vous à vos proches, premièrement, à supposer que c'est une nouvelle du médecin que vous avez eue? Est-ce que vous diriez à vos proches, à vos intimes, ce qui va se produire dans quelques jours, afin qu'ils sachent, comme vous, ce qui s'en vient, pour être avec vous dans la démarche? En cela, Jésus, c'est un modèle. Un modèle à suivre. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, dans les événements qui vont se produire dans sa vie, dans ce qui s'en vient à court terme, il ne va pas manquer de s'assurer que ses disciples sont au courant et qu'ils vont être avec lui. Donc, Jésus va annoncer par ses discours l'avenir, ce qui doit se produire. Donc, depuis le début de l'Évangile de Matthieu, on est rendu au chapitre 26 que je vais commencer avec vous aujourd'hui. On a pu contempler la gloire et la puissance de Jésus à travers les discours qu'il a faits. Rappelez-vous le sermon sur la montagne, rappelez-vous les enseignements qu'il a faits. Et on a pu voir sa gloire et sa puissance en même temps à travers les guérisons, les prodiges et les miracles qu'il a faits. Dès le début de l'Évangile de Matthieu, Dieu nous le présente comme étant le roi. Donc, le roi éternel de Dieu. Il est l'homme qui est envoyé dans le monde pour démontrer son autorité sur toute la création. Il nous a été présenté dans Matthieu 2, le verset 2, comme étant le roi des Juifs. Et il vient avec une mission très précise, qu'on va voir un peu plus tard. D'ailleurs, lorsque Jésus va être sur la croix, l'écriteau qui est au-dessus de sa tête va indiquer que celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Du début à la fin, ce qu'on nous présente, c'est le roi. Donc, ce roi-là a exposé sa doctrine, son enseignement. Il a clarifié les enseignements de Dieu en ce qui concerne la loi, réajustée. Il a démontré par sa parole, par ses miracles et par différents prodiges qu'il avait tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il a annoncé d'avance ce qui devait arriver, non seulement à lui, mais à l'humanité. Ce roi pouvait enseigner avec autorité, guérir toute maladie, toute infirmité, faire taire les éléments déchaînés de la nature, donner à manger à une foule à partir de ce qu'on lui donnait, à partir de ce qu'on disposait. Ce roi pouvait libérer toute personne possédée d'un esprit démoniaque, d'un esprit mauvais. Il pouvait en même temps dévoiler les pensées et les cœurs des hommes. Il pouvait ordonner aux démons de se taire et de partir. Sa propre vie à Jésus et ce qui doit arriver est également sous son autorité. Et même à cela, Jésus va accepter de faire ce que son Père veut. Il dit dans Jean 6, 36, « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Là où nous sommes rendus, au chapitre 26, nous sommes dans le dernier droit, si on veut, de la vie de Jésus sur terre. Et ce qu'il va nous dire, ce qu'il veut que l'on sache, c'est ce qui s'en vient à propos de lui, et en même temps, de comment ça va se passer. On va regarder, si vous voulez, Matthieu 26, les cinq premiers versets. Et je vous les lis dans cette version-ci. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et vous savez que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ce début de chapitre-là, c'est comme, pour ceux qui connaissent le football, c'est comme le botté d'envoi. Kick-off. Oh! Alors, c'est le botté d'envoi de quelque chose qui s'en vient, de tout un déroulement d'activité qui s'en vient. Et c'est ce que Jésus met de l'avant. Voici ce qu'il dit au départ. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, de quoi a-t-il parlé au juste? Du royaume de Dieu. Est-ce que vous avez une idée de quoi Jésus a parlé aussi dans ses discours, dernièrement? La fin des temps. De quoi a-t-il parlé aussi? Il a parlé en particulier que c'est lui qui va juger toutes les nations. Vous avez utilisé les termes de Omar la semaine passée, vous avez pris les vôtres, toutes les vôtres. Donc, il a parlé, pour répéter, pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, il a parlé que Jésus le roi, en venant comme roi plus tard, il va être le juge des vivants et des morts, et il va séparer les boucs des chèvres. Des brebis des boucs. Ah, oui, c'est mieux. Les chèvres et les brebis. Donc, les discours de Jésus, ils annoncent l'avenir. Ils annoncent des choses qui vont avoir lieu après sa crucifixion. Les discours de Jésus annoncent l'avenir à travers des signes. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 24, principalement. Donc, premièrement, il a parlé du temple qui va être détruit, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Il a parlé qu'il y aurait des guerres, des révoltes, des tremblements de terre, des famines. Et il dit aux siens, ne soyez pas troublés. Il a parlé qu'eux-mêmes seraient livrés à des tourments, seraient livrés aux tribunaux, qu'ils allaient comparaître, qu'ils seraient haïs, qu'ils seraient trahis. Mais il leur dit, persévérez, et vous serez sauvés. Il y a dit aussi qu'il y aurait des faux Christ, des faux prophètes. Et il leur dit, prenez garde d'être séduits. Il leur a dit aussi que la bonne nouvelle serait annoncée. Elle serait prêchée dans le monde entier. Il leur a dit aussi que l'abomination se présenterait dans le temple. Et qu'il y aurait une grande désolation. Et le conseil, la recommandation qu'il leur donne, c'est fuyez. Ne retournez pas en arrière. Mais sachez qu'à cause de vous, ces jours-là, ils vont être abrégés. On est dans 24, 15 à 22. Mais les discours de Jésus annoncent l'avenir aussi en parlant de l'avènement du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, une fois que lui va être retourné au ciel. Il dit au début que ça va être comme l'éclair qui traverse le ciel. Instantané, brillant, éclatant. Il va dire qu'au niveau des astres, il va y avoir un bouleversement gigantesque. Le soleil, la lune, les étoiles vont être bouleversées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, on a quelqu'un qui se dirige en météorologie. Peut-être qu'il va les voir apparaître des nuages. Alors, le Fils de l'homme, il dit qu'il va venir sur les nuées avec gloire et puissance. C'est pas comme ça qu'on voit Jésus encore à l'actuel. Mais il annonce d'avance que c'est ça qui va arriver. Il dit qu'il va envoyer ses anges, puis ils vont rassembler ses élus. Il dit en même temps que le jour et l'heure n'est connu de personne. Donc, cherchez pas à comprendre, cherchez pas à calculer, cherchez pas à anticiper. Ce jour-là n'est connu que du Père. Restez calme, mais veillez. Soyez attentifs à ce qui se passe. Il leur dit, tenez-vous prêts, agissez en fidèles serviteurs. Ce que je vous ai confié, faites-le fructifier. Il dit aussi que ces discours, que les discours que Jésus annonce, quand il annonce l'avenir, il va révéler le jugement des nations qui va être exercé par lui, le roi, ce que Christian nous a mentionné. Il disait au départ dans Matthieu 25, là où on était avant, « Assure-toi d'être prêt d'entrer dans le royaume de Dieu. Sois sûr que le roi te connaît, que son esprit est dans ta vie, que son esprit marche avec toi. » Il a dit aussi, sache que chacun devra rendre compte de ce que lui a confié. Fais prospérer ce que je t'ai confié. Il dit en même temps, par rapport à ce que lui va révéler le jugement qui vient, sache que, comme roi désigné par Dieu pour juger les vivants et les morts, il va s'asseoir sur son trône et juger les nations. Chacun va recevoir une sentence. Et c'est là où on rejoint l'enseignement de Omar la semaine dernière. Est-ce que je vais être du côté des brebis qui vont entrer dans le royaume ou du côté des boucs qui s'en vont pour la perdition éternelle? Donc, d'un côté, on a le royaume éternel, de l'autre côté, on a la séparation éternelle. D'un côté, on a la bénédiction éternelle et de l'autre côté, on a le châtiment éternelle. Tout ça est annoncé d'avance avant que quoi que ce soit n'arrive, dans le but de prévenir, dans le but que ses disciples, les siens, sachent ce qui s'en vient. Au début du chapitre 26, c'est écrit que lorsque Jésus eut achevé tous ses discours dont on vient de parler, il dit « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et vous savez que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Comment savent-ils que la Pâque s'en vient, selon vous? Oui, c'est une fête qui est dans le calendrier juif. C'est comme savoir qu'il va avoir Noël le 25 décembre. C'est comme savoir que Noël arrive le 25 décembre, dans notre calendrier à nous. C'est qu'effectivement, cette Pâque-là, elle est inscrite dans le calendrier juif. Elle est la plus importante de toutes leurs fêtes. Elle leur rappelle la libération de l'esclavage d'Égypte, là où ils étaient dans la servitude, là où ils étaient maltraités et là où on les méprisait. Elle leur rappelle que la vie de leur premier-né a été épargnée à cause du sang d'un agneau qui a été immolé. Cette fête-là leur rappelle en même temps que Dieu a exercé un jugement sur ceux qui les maltraitaient. Donc, pour certains, c'est une bénédiction, pour d'autres, c'est un malheur. Cette fête, en même temps-là, c'est une commémoration, c'est une loi perpétuelle. Le jour où Dieu l'a mis en place dans le désert, c'est qu'il leur a dit qu'à chaque année, le premier mois de l'année, qui est le mois de Nisan, le 14e jour, ils immoleraient la Pâque, ils immoleraient l'agneau et ils le mangeraient ensemble, en se rappelant que cette Pâque-là leur rappelle tout leur passé qu'ils ont vécu en Égypte. Donc, non seulement ça souligne les événements passés qui étaient douloureux, mais ça souligne en même temps la promesse que Dieu allait les faire sortir de là et les faire entrer dans la terre promise. La même Pâque présente les deux éléments. Cette Pâque-là va être la dernière de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, parce que dans quelques jours, Jésus va instaurer une nouvelle alliance, une nouvelle alliance en son sang. Et cette nouvelle alliance-là, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Le discours de Jésus annonce l'avenir en révélant ce qui va arriver au roi des Juifs. Il leur dit, « Vous savez que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Toute une bonne nouvelle. Mais il faut se rappeler que c'est la 4e fois que Jésus leur dit ça. Il l'a dit dans Matthieu 16, 21. Il dit, « Dès lors, le Fils de l'homme va souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il va être mis à mort, mais il va ressusciter le 3e jour. » Ça, c'est une fois que Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tout de suite après, il leur dit, « Oui, mais voici ce qui s'en vient pour moi. » La 2e fois qu'il va leur rappeler, dans Matthieu 17, 22, 23, il dit, « Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Et ils le feront mourir, et le 3e jour, il le ressuscitera. Et là, les apôtres sont profondément tristes, profondément attristés. Ils commencent à saisir quelque chose. La 3e fois que Jésus leur rappelle encore cet événement-là, Matthieu 20, 17, 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, donc il a pris la décision volontairement de se rendre à Jérusalem. Il prit à part les 12 et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui et qu'ils le battent de verge. Ils le crucifient et le troisième jour, il va ressusciter. » Il est en train de leur dire de façon assez précise le déroulement des événements, ce qui le concerne lui. Donc, Jésus parle de son avenir. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et la quatrième fois dont il rappelle les événements, c'est ici même. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Là, la température commence à monter. Donc, auparavant, c'était un peu comme flou. Mais là, ça devient très précis. Et d'où ma question du début, si vous saviez que dans quelques jours, il va vous arriver un événement troublant, un événement douloureux, pénible, premièrement, est-ce que vous le diriez à vos proches? Et deuxièmement, comment allez-vous vivre en attendant? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Comment vous allez vous comporter en attendant que cet événement-là se produise? Les discours de Jésus annoncent l'avenir en ce qu'il va présenter même les intervenants. Donc, il a parlé des sacrificateurs, il a parlé des scribes. Et dans notre texte, regardez ce qui est écrit. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, il y a des nouveaux maintenant, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que non seulement le peuple d'Israël va se révolter, non seulement ils vont me livrer aux païens, dans notre cas présent, c'est les Romains, qu'il appelait précédemment les hommes, mais c'est principalement les gens qui vont servir dans le temple, ceux auxquels Dieu a donné une responsabilité très précise, les principaux sacrificateurs qui servent dans le temple, qui vont dans le lieu saint, amener le sang de l'animal qui va être immolé, c'est eux qui sont mentionnés ici. Mais j'aimerais vous faire réfléchir sur un mot, en fait, qu'on a discuté vendredi matin. Le mot qui commence la phrase du verset 3, « Alors ». Et ce mot-là nous a intrigués un peu. Et on a dû y réfléchir un peu plus longtemps. En fait, la façon dont on le comprend, c'est comme si Jésus, en déclarant à haute voix qu'il va être crucifié, que la Pâque s'en vient, c'est comme s'il disait, « Père, je suis d'accord avec toi d'accepter tout ce que tu as décidé, tout ce qui me concerne. Vas-y, Père. Fais ce que tu as à faire. Fais de moi tout ce qui t'en semblera bon de faire. » Donc, puisque Jésus a décidé de se soumettre à l'autorité de Dieu, bien qu'il l'ait lui-même, bien qu'il ait tout pouvoir et toute autorité, il se met d'accord avec son Père que les événements qui s'en viennent, et il les connaît, que « Père, j'accepte d'avance tout ce que tu as décidé pour moi. Et je vais inclure mes disciples dans cette marche-là. » Yeah. pardon du péché du peuple. L'agneau, toutes les fêtes étaient comme ça. C'est intéressant que Jésus ici va être offert en sacrifice par les souverains sacrificateurs de son époque à lui. Donc l'ancienne alliance va se continuer à travers Jésus pour tenir la nouvelle alliance. C'est intéressant. On ne peut pas parler vendredi. Ce que Saint a dit, je ne vais pas le redire, parce que ça va faire partie des prochains enseignements. Ça, je vais laisser ceux qui vont venir après moi développer ce que Christian vient de dire en passant de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance versus un agneau physique, un mouton qui est immolé, par rapport à Jésus qui est immolé. Ça, je vais laisser les prochains s'en occuper. Le rapprochement que je peux faire, qu'on a fait ensemble, par rapport à ce « alors », qui est comme le botté d'envoi au football. La partie commence. On peut courir, on peut attraper le ballon, puis on peut aller le placer dans le but si on veut. Le rapprochement, il va se faire avec Job. Parce qu'on va comprendre, dans tous les récits qu'on va étudier bientôt, que l'acteur principal dans la mort de Jésus-Christ, c'est Satan. C'est lui qui est l'acteur principal, bien qu'il soit totalement invisible. Mais c'est lui l'acteur principal qui va agir dans le cœur des hommes dans le but d'amener Christ à la croix. Je vais vous lire Job, chapitre 1. C'est écrit, « Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et au verset 6, c'est écrit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main et touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, car et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alors il arriva à Job, un messager, deux messagers, trois messagers. Et on connaît la suite. La suite, c'est que ses serviteurs sont morts. Ses troupeaux ont été volés, pillés ou ont été tués. Ses fils, ses sept fils et ses trois fils sont morts. Des filles. La maison est tombée sur eux. Mais celui qui a agi, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui a agi. Mais il ne pouvait pas agir, il ne pouvait pas toucher à rien de ce qui appartient à Job, ni à sa vie, ni à sa santé, sans l'autorisation de Dieu. Et quand Jésus dit, « Alors, voici ce qui va se passer. » C'est comme si Dieu, quelque part, vient de donner à Satan le droit d'agir. Lui qui a tout contrôle, lui qui aime Jésus, qui est son bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Lui, Jésus en qui il a tout pouvoir, toute autorité, et il l'a démontré. Dieu, son Père, accorde l'autorisation à Satan d'agir à l'égard de son fils. Le but pourquoi Jésus vient sur la terre, c'est sauver son peuple de ses péchés. Et celui qui a introduit le péché dans le monde, c'est Satan. Et Dieu veut sauver son peuple de ses péchés, mais de l'autorité que Satan a dans leur vie. Peu importe la façon dont ça se présente. Tout ce qui est arrivé à Job, tout ce qui arrivera à Jésus par la suite, est sous l'entier, le total contrôle de Dieu. Même si c'est désastreux, même si c'est pénible, même si pour ses disciples c'est incompréhensible ce qui va arriver, mais c'est sous l'autorité de son Père, de Dieu. Bien qu'il soit le monde manipulé par quelqu'un. Exact. C'est non seulement sous son autorité à Dieu, mais c'est sa volonté que ça se produise, parce qu'il l'a déclaré il y a longtemps. Il l'a déclaré dans le jardin d'Éden. La postérité de la femme va t'écraser la tête. C'est déclaré depuis toujours. Et Dieu respecte sa parole et accomplit sa parole. C'est vrai, tu as bien fait de soulever Aaron. Dis-moi, si je reviens à ce que Jésus vient de dire à ses disciples, puisque lui sait que la Pâque qui s'en vient, c'est pour lui, et puisqu'il sait qu'en même temps, je veux dire, il va y laisser sa vie, et qu'il a une totale paix, une totale capacité, une pleine liberté de le dire à ses disciples. Dans son cœur, Jésus, il est pleinement 100% confiant dans ce que Dieu lui a dit. Il a dit qu'il irait à la croix, mais il a dit qu'il le ressusciterait. Et il croit parfaitement, pleinement, sans l'ombre de doute, qu'il va revenir de la mort à la vie et qu'il va être assis à la droite du Père tantôt. C'est ce qui va le garder à travers toutes ces épreuves-là. Quand tu sais que tu as un examen difficile qui s'en vient à passer, qu'il soit médical ou qu'il soit d'une matière académique, quand tu sais que tu vas te présenter en cours, par exemple, pour témoigner, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais pas quelles questions qu'ils vont te poser. Quand tu dois dire la vérité à tes parents, et qu'il va y avoir des conséquences, tu le sais, parce que tu as fait un mauvais coup. Quand tu sais que tu dois pour ton bien, ou pour le bien de l'autre plutôt, quand tu sais que pour le bien de l'autre, tu dois dire une parole dure à un ami, est-ce que tu as confiance que Dieu est en contrôle de tout? Et qu'il saura te faire tenir debout dans n'importe quelle circonstance? Est-ce que tu as assez confiance en lui, dans ce qu'il t'a dit déjà, dans ce qu'il t'a déjà démontré dans ta vie? Est-ce que tu as confiance qu'il est avec toi et que le résultat, lui, il le connaît, puis ça va arriver exactement comme il veut? On parlait d'élection matin. Donc, il y a des élections qui s'en viennent. Il y en a parmi nous qui ont voté, puis il y en a qui vont y aller demain. Donc, le gouvernement, ce que j'ai dit à mon ami avec lequel j'ai dîné cette semaine, c'est le gouvernement, il est déjà décidé d'avance. Il n'est pas tombé à bas de sa chaise, mais de la misère à croire. Mais le gouvernement est déjà décidé d'avance. C'est lui qui va être premier ministre, Dieu le sait. Et quel genre de gouvernement va avoir, il le sait aussi. Donc, est-ce que ça m'inquiète? Pas du tout. Pas du tout, parce que Dieu les connaît. Est-ce que ça m'inquiète des décisions qu'ils vont prendre, des lois qu'ils vont poser? Non, ça ne m'inquiète pas plus. Parce que Dieu nous a dit d'avance qu'on aurait, nous, des tribulations, puis qu'on aurait des décisions à prendre un jour. Fait qu'on n'a pas à craindre non plus, même pour ça. Mais ce qui fait qu'on va garder confiance, c'est parce qu'on croit ce que Dieu dit. Et que ce que Dieu dit, il va le faire. C'est ça qui nous rassure, et c'est ça qui nous tient paisible. Est-ce que je peux dire en même temps, comme Jésus, Père, indépendamment de ce qui s'en vient là, fais de moi tout ce qui te semblera bon. Fais en moi tout ce qui te semblera bon, et que ta gloire en ressorte. Donc, si je dois être à quatre pattes à terre, bien, on sera à quatre pattes à terre, puis si je dois passer par la maladie, le Seigneur, fais-le. C'est ta gloire qui est le principal. Et nous savons qu'à la croix, c'est la gloire de Christ qui est apparue là. C'est pas ça que les hommes voyaient. Mais c'est ce que Dieu avait décidé, parce que là, Satan y est vaincu. Là, la loi, elle est accomplie. Ce que moi, je n'ai pas besoin de faire. Mais c'est là que la gloire de Dieu paraît. Et elle va apparaître encore plus glorieuse à la résurrection de Christ. Jésus, sachant ce qu'il y allait lui arriver, ce roi éternel, désigné par Dieu pour sauver son peuple de ses péchés, est allé à la croix sans résister. Il a accepté pleinement d'être rejeté par les siens, son peuple, parmi lesquels il est né et pour lesquels il vient en premier. Il a été livré et a souffert de la part des païens. Il a été battu de verge, il a été mis à mort et il a été crucifié. Il a été mis au tombeau, mais il est ressuscité le troisième jour, comme il l'avait dit, comme il l'avait annoncé d'avance. Ce roi, c'est mon roi. C'est le roi de tous ceux qui croient en lui. Il a donné sa vie pour que chacun de nous soyons pardonnés de tous nos péchés, purifiés, lavés par son sang qu'il a versé sur la croix, que nous soyons réconciliés avec son Père qui avait toute autorité de l'empêcher d'aller à la croix ou de dire, mon fils, c'est là qu'on va. On en a parlé, il était d'accord. À cause de lui, à cause de ce Jésus mort sur la croix pour moi, je suis déclaré juste, une brebis, qui va rentrer dans le royaume de Dieu, parce que la porte est ouverte. Et que là, on a une place, imaginez, une maison qui nous attend, une table où il va y avoir un banquet, où mon nom est inscrit sur une chaise. En fait, en haut, on va être l'Église, l'épouse. Pour toi qui as cru déjà, persévère. Persévère dans la foi en Jésus ressuscité. Tu es dans la nouvelle alliance déjà, que Jésus va inaugurer bientôt dans notre texte, par son sang. Ta vie, la mienne, est entre ses mains. Donc, notre avenir est déjà connu. Avant même qu'aucun jour n'ait existé, je les connaissais. Mais si tu n'as pas encore cru en Jésus, et ça se peut, est-ce que tu veux qu'il lave tous tes péchés aujourd'hui? Est-ce que tu veux que le pourquoi Jésus vient sur la terre pour effacer les péchés du monde, pour les ôter de sur nous, pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Est-ce que tu acceptes ça dans ta vie, que Jésus te lave aujourd'hui? Veux-tu accepter d'être réconcilié avec Dieu, d'être devenu en paix avec lui? Que tu te mettes d'accord avec Dieu que tu es pécheur coupable et puis que tu es une chèvre, un bouc, qui va être... il ne passera pas dans le royaume. La seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que chaque être humain doit dire. J'aimerais vous faire entendre un chant que Richard Toupin et son équipe ont chanté il y a longtemps. Un chant que j'ai entendu cette semaine et je pense que ça vaut la peine.